Un grand feu brûlait dans la cheminée de la salle à manger, où Pascal et Aurore concentraient leurs efforts de décoration. Après en avoir longuement discuté, elles étaient tombées d'accord pour ne pas utiliser le grand salon, trop difficile à chauffer. Le sapin avait été installé dans le jardin d'hiver, qui bénéficiait de radiateurs électriques et ferait office de pièce de réception pour l'apéritif et la traditionnelle remise des cadeaux. Quant au dîner, il aurait lieu dans la salle à manger, dont elles expérimentaient la cheminée. « Excellent tirage !» constata Aurore, très fière de sa flambée. « Surtout avec du bois mouillé !» Sous une pluie glaciale, elles étaient allées chercher des bûches et avaient pris les premières sur le haut du tas sans se poser de questions. « Pas demain la veille que nous serons de vraies campagnardes !» soupira Pascal. « On en apprend un peu plus chaque jour, non ?» Presque tous les soirs, Aurore consultait une encyclopédie de jardinage, dénichée dans la bibliothèque, et en lisait un passage à Pascal. Généralement, cette lecture dégénérait en fou rire. Il y a une grande bâche dans la serre. On pourrait couvrir le tas de bois pour le protéger, suggéra Pascal. Ah oui? Et avec quoi l'empêchera-t-on de s'envoler comme une voile au vent? Avec des bûches, tiens. Il était à peine 7 heures, mais il faisait nuit noire, et elle se sentait bien à l'abri dans la grande salle à manger illuminée, tandis que la pluie continuait à s'abattre sur les vitres. On n'avait pas connu depuis longtemps un hiver aussi rigoureux dans la région, fit remarquer Aurore. Tu me fais penser à la cuve de fioul. Il faut qu'on la jauge pour savoir ce qui nous reste. Une véritable épreuve de force qui consistait à soulever une dalle de fonte, dévisser le sommet de la cuve et y faire descendre une longue tige de métal graduée. Rien n'est jamais prévu pour les femmes, si on ne dispose pas d'un Hercule à la maison. Tu as raison. Je demanderai ça à mon frère quand il sera là. Lucien Lestrade avait proposé de le faire la dernière fois qu'il était venu, mais Pascal avait été très ferme avec lui. Elle ne souhaitait plus le voir à Pérols. « Comment trouves-tu mes guirlandes ?» s'enquit Aurore. Perchée au sommet de l'échelle, elle manquait de recul, et Pascal traversa la salle à manger pour juger de l'effet. « Magnifique, vraiment !» Au lieu de se cantonner à une décoration conventionnelle, Aurore avait tressé de larges rubans rouge cerise avec des branches de sapin, installant une sorte de frise qui égayait toute la pièce. « Ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on aille couper du houx. Je vais en faire une couronne pour la cheminée. » Maintenant ? Avec ce temps ? Allez, on met des blousons, des bonnets et des gants. En 5 minutes, ce sera fait et ça nous ouvrira l'appétit. Pascal éclata de rire, gagné par l'enthousiasme inépuisable d'Aurore. Tu as raté ta carrière. Tu aurais été une formidable décoratrice. J'aurais adoré. J'ai parfois l'impression de m'être trompée, même si j'aime beaucoup mon métier. Et toi ? Moi ? Oh, à part médecin, je me serais bien vue en pilote de chasse. Sérieux ? Oui, mais je l'ai découvert trop tard quand j'ai commencé à voler. C'est une sensation unique. Pour la première fois, Pascal exprimait clairement des regrets dont elle n'avait pas eu tout à fait conscience jusque-là. Secouant la tête, elle refoula cette inutile nostalgie. Par chance, elle avait la possibilité de piloter de temps en temps, et pour le reste, elle se sentait à sa place dans un hôpital. Soigner et lutter contre la maladie demeurait sa véritable vocation. Elle n'en souhaitait pas d'autre. « La pluie a cessé, » remarqua-t-elle. « Profitons-en pour aller chercher ton fichu houx. » Elles passèrent par l'office pour se munir de gros gants de jardinier, d'un sécateur et d'une lampe torche, puis enfilèrent leur parka avant de se risquer dehors. La terre mouillée commençait déjà à geler en surface et Aurore faillit tomber. « Saloperie de temps !» grogna-t-elle en se raccrochant à Pascal. Bras-dessus, elles se dirigèrent vers le fond du parc, où se trouvaient les arbustes repérés par Aurore. Malgré les lanternes de la façade, dès qu'elles s'éloignèrent de la maison, elles éprouvèrent l'impression désagréable d'être englouties par l'obscurité. Un petit animal, sans doute un rongeur, s'enfuit à leur approche en faisant rouler des graviers. « C'est franchement sinistre, non ?» souffla Aurore. « Oui, mais on ne va pas faire demi-tour comme deux gourdes. » Parvenue au tournant de l'allée, elles coupèrent à travers la pelouse, toujours serrées l'une contre l'autre. Dans le noir, le parc semblait plus grand, moins familier. « Alors, où est-il ce houx ?»« Près du mur, du côté de la vasque en pierre. » Le cri soudain d'une chouette les fit sursauter. Presque tout de suite, Pascal se força à rire. « Nous avons droit à la version intégrale du film d'horreur. On ferait bien de se dépêcher. » Elle plaisantait sans conviction, sensible à l'atmosphère un peu inquiétante de cette nuit trop sombre. À la lumière de la torche, Elles virent enfin les arbustes aux feuilles luisantes, comme vernis, semés de fruits rouges. « Voilà tes décorations, je te laisse te servir. » Avec le sécateur, Aurore commença à couper des branches, tandis que Pascal l'éclairait. Quand elle en eut tout un bouquet, tenu à bout de bras pour ne pas se piquer, elle se déclara satisfaite. « Dépêchons-nous de rentrer, on gèle. » Elles retournèrent vers la maison, dont les lanternes étaient toujours allumées. Mais d'un coup, tout s'éteignit. S'arrêtant net, Pascal jura entre ses dents. « Encore une de ces maudites coupures de courant. En principe, ça ne dure que quelques instants. » Elles patientèrent une minute, toujours immobiles, les yeux braqués dans la direction de la maison qu'elles ne voyaient plus. « Allez, viens, » chuchota Aurore. « Tu peux parler à haute voix, tu ne dérangeras personne, » railla Pascal, qui se sentait pourtant vaguement inquiète. Seule la lueur de la torche trouait l'obscurité devant elle. Pourtant, elles se retrouvèrent sans encombre sur l'allée de gravier. À la hauteur de la rangée d'hibiscus, Pascal pressa le pas sans même s'en rendre compte. « Attends-moi !» protesta Aurore. Pascal s'obligea à ralentir. Néanmoins, elle était gagnée par une nervosité incompréhensible. L'espace d'un instant, elle songea à l'incendie de l'atelier, à la mort tragique de la mère d'Adrien dans les flammes. Mais elle repoussa aussitôt cette pensée avec horreur. Ce n'était vraiment pas le moment d'avoir des idées pareilles. Pérol était sa maison, un endroit merveilleux qu'elle connaissait par cœur et qu'elle adorait. Butant sur la première marche du perron, elle poussa un soupir de soulagement. « Sauvée !» lança-t-elle d'un ton léger. « On va allumer des tas de bougies. Pas celles de Noël, en tout cas. Il doit y en avoir d'autres à la cuisine. » Au moment où Pascal ouvrait la porte, la lumière revint. Clignant des yeux, elles échangèrent un regard perplexe avant d'éclater de rire. « Nous ne sommes pas vraiment prêtes pour rentrer dans les commandos !» fit remarquer Aurore. Pascal poussa le verrou, éteignit sa torche. La brassée de houx était magnifique. Mais pourquoi n'avait-elle pas attendu le lendemain matin pour aller la chercher? Pour jouer à se faire peur? « Si tu nous réchauffes un bol de soupe, je me mets tout de suite à ma couronne !» décréta Aurore en se dirigeant vers la cuisine. « Réchauffer une de tes soupes en boîte? Pas question. Je vais en cuisiner une moi-même, avec des pommes de terre et des pois cassés. Potage Saint-Germain, ma jolie, agrémenté de quelques petits lardons. Tu m'en diras des nouvelles. C'est très judicieux de dîner léger une veille de réveillon. » Elles se remirent à rire, heureuses d'être à l'abri, d'être en congé et d'être ensemble pour préparer Noël.